Attends. C'est une blague ou vous voulez du flow? Ah, vous voulez. Ah, d'accord, je vois. Ok, c'est parti alors. Les habits diesel sont beaucoup portés, c'est amnésique. Musique. Les Knock Missile Jazz apportent vraiment beaucoup à la Musique. musique. Mon groupe vit pour le rap qui est vraiment à la mode. Mode. Chacal, j'ai leur offre des jaloux, on les envoie à la morgue. Morgue. On est passé par l'ERS, M, Waterloo, Saint-Amand. Mans. Quand tu me crois pas, bah demande à payer. Absolument. Mans. Le monde a vécu la mort de Jack Jackson, le sort des vaccins, le Nord et son accent et le nouveau rappeur Axiom. Dans Facebook, il y a des groupes, Monsieur Look et sa Loop. loupe. La fouine son bouc Book. et les petites marques, ben, c'est Rebook. Book. Les moins 7 degrés au matin me mettent dans des états de malade. M'en fous le médecin, me prescrira des médicaments à la marmonade. Monade. Sache que je suis héroïque, je tape pas l'héroïne, Ruine. j'aime pas les terroristes et Horrible. le mardi, ben, je vais au ring. Ring. On nous dit de manger 5 fruits jour par jour que des Pas rabat-joie. joie. Je préfère le céréo Arabe. arabe. Tu veux du rap pochoir? Choix. Les ribs, les kebabs et Les les galettes. galettes. La télé les enterre, mais on est dur comme un galet. Galets. Les iPods, on les vend tous comme Clope. cyclope. Trouver la ventouse comme l'œil du cyclope. Les stylos, les bics et les encres nous tachent. Tâche. Entre nous tous, c'est les cahiers qu'on Tâche. tâche. 2010, 2000 vices. Vicieux, astucieux, ambitieux, Monsieur. demande à des vices. Ce. À Noël, je m'en tape des cadeaux Cadeau. sous le sapin. Pain. Tant pis, j'ai ma famille au chaud, car dehors ça pince. Pince. Les poèmes, les sonnets, les odes et les ballades. Mes textes, mon assiette, une sauce pour ma salade. Salade. Le code de le permis, la voiture, les amendes. Les bonnes marques sont les allemandes et les bons fruits sont les amandes. Monde. Les cachets servent pour guérir et non pour le suicide. Tout ceci est sensible pour vider des soucis sensibles. Parfois le matin, je suis du mauvais pied et j'ai une sale mine. Je Mine. déteste les salamis, Ami. j'aime pas le salami. Salami. Le cahier, l'agenda, la trousse et le sac. L'école c'est cool, mais les horaires c'est de Arnaque. l'arnaque. Quand c'est les sols, les gens courent et trébuchent, des méchants coups, des méchantes secousses. Secousse. C'est la légende des courses. Course. J'écris ma vie sur des feuilles parce que personne n'écoute le Seuil. sol. Je suis seul au Seul. sol, les mains sales, j'ai commis un vent Sol. sol. J'ai pas de compte en banque, on Banque. me prend pour un sale ta Banque. banque. J'offre pas de bouquet, les banquets, je les dévalise comme un banquet. Banquier. T'as retenu la leçon? Es-tu devenu accro à mon Son. son? Le rap à poisson, ben j'ai sorti l'hameçon. Les filles jouent les Barbie, les garçons les Ken. Ken. Mais il s'agit de tapis, c'est direct Tekken. Ken. Le président se tape des nuits à l'hôtel. Tel. Son opérateur dit qu'il est trop souvent hôtel. Tel. Avec Rachida Tachi, il se tape des soirées Mortel. mortelles. Plein de tentatives pour mes frères qui finissent en charter. Et les gars et les filles, le porno est illégal Pour pour les les films. films. Mate les flics, les voitures défilent. Fil. J'aime le slam de Malik, j'en ai ma claque des mamies. Les vieux sont raides, ils galèrent à traguer des mamies. Je veux du blé, des concours, des battles, des Des trophées. trophées. Du son, j'en ai trop fait. Les filles sont trop fun, trop fait. Trophée. La rockstar, c'est la guitare, la basse et la batterie. Batterie. La techno, bah, c'est le jump, le DJ dans la boîte Boîte de de nuit. nuit. J'ai bu, j'ai J'ai eu eu ma cuite d'alcool. Heureusement, je suis toujours pas mort, j'ai toujours alcool. cool. Une fille prend la place, gros comme des ordures. Ordure. Dans les magasins, c'est pas tout, mais l'heure Dure. dure. Qui dit pète, Pète. pète. Qui dit pote, Pote. pote. Ça pue, mais qui pète, c'est le bruit de la Capote. capote. Fais gaffe, cher internaute, ne traite pas Dans dans les les forums. forums. Tu seras banni et ces gens-là sont forts au Au rhum. rhum. En garde à vue, une odeur de vomi épice. Épices. T'as la dalle, même pas le droit au Pain pain d'épices. d'épices. Les mots anglais me chamboulent comme le Champagne. champagne. Dans ma chambre et dehors, y a pas de chandanne. Chandanne. Je tiens pas la chandelle, je Chandelle. laisse l'amour les diriger. Piger. Miley Cyrus, les chansons d'elle sont kiffantes, obligées. Piger. Pourquoi des bombes pètent à Kaboul? Pourquoi on se pompette pour quatre poules? Poule. Tu préfères la beige, la brune ou la rousse? Ou tu préfères une belge, une ritale ou une Russe. russe? Hein? Tu peux me dire? Voilà, c'est clair. Voilà, t'as eu du flow, mec. Eh ouais. Aïe, drrr.